Niom Ngongere. Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à cette édition en langue française dont voici les principaux titres. Le parti APDR vient de publier le nom de son candidat aux élections présidentielles de 2020. Il s'agit de Niwigira Fidélité. Vous aurez tout de suite les précisions avec le président de ce parti. Le ministère des Droits de l'Homme compte décentraliser les assistances pour les vulnérables afin de mettre fin au phénomène des personnes qui se rendent au bureau de ce ministère pour demander des assistances. L'annonce a été faite jeudi par le ministre Martin Nivyabandi. Et la province Ngozi fait face à une pénurie de produits Brahoudi, principalement l'Amostel. Des tenanciers des dépôts et bistrots regrettent qu'ils travaillent à perte. Une personne a été tuée brûlée au cours de la nuit de ce samedi à dimanche sur la colline Rusaka. Gara, en commune Makebuko de la province Gitega. Elle serait accusée de vol, dit une autorité locale. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je venais de vous le dire, une personne a été tuée puis brûlée à l'aide de feuillages secs du haricot vers 1h du matin de ce dimanche sur la colline Rusagara de la zone Maramvia en commune Makebuko de la province Gitega. Le chef de zone Maramvia confirme cette information. La personne morte, précise cette autorité zonale, tentait de voler dans un ménage de Rusagara et que l'officier de police judiciaire se rendit sur les lieux et promet des enquêtes sur ce crime. Et dans la politique, le parti APDR vient de présenter son candidat pour les élections présidentielles de 2020. Il s'agit de Madame Fidélité Niwigira. C'était dans un congrès national de ce dimanche. Gabriel Banzawiton, le président du parti APDR, indique que leur motivation du choix de leur candidate est de montrer que le parti a déjà commencé ses préparatifs aux élections de 2020. Suivez Gabriel Banzawiton. Le parti APD s'engage à répondre aux élections 2020 du sommet à la base et tassé sans se coaliser à l'une ou l'autre formation patriotique. Le parti APD a organisé ce congrès pour élire un candidat au poste présidentiel et on a élu une femme candidate. C'est pour des raisons principales. Premièrement, c'est pour montrer la volonté que le parti APD a déjà mis un pas en avant de répondre aux élections 2020. Deuxièmement, c'est pour commencer à se préparer en conséquence pour trouver ces 30 millions de cautions. Voilà en bref ce qui nous a poussé dès aujourd'hui. Une fois élu, quelles sont les innovations que vous allez apporter par rapport à ce gouvernement en place? Sont nombreuses. Premièrement, c'est on va changer l'image du Burundi en mettant en place les entreprises et les sociétés du pays au lieu de les privatiser, mais aussi de les dynamiser pour donner l'emploi au nombre de gens qui sont chômeurs. Deuxièmement, nous allons augmenter le salaire en rapport avec aujourd'hui des fonctionnaires. Vous savez qu'on ne peut pas dire la bonne gouvernance alors qu'un fonctionnaire gagne un salaire de 10 jours qui est incapable de lui faire tenir jusqu'au bout du mois. Troisièmement, on va changer le mot expérience pour accéder à l'emploi. Vous savez que les jeunes aujourd'hui sont au problème des expériences. Nous disons qu'un seul moyen d'accéder à l'emploi, c'est faire un examen transparent, ça fera plaisir. Mais aussi, nous allons essayer de collaborer avec la communauté internationale pour changer l'image totale du Burundi. Oui, nous allons combattre la corruption et faire retourner la somme détournée par les corrupteurs au gouvernement, puisque c'est triste réalité. C'est pourquoi nous disons que nous allons donner un salaire suffisant aux fonctionnaires en fait de dynamiser la bonne gouvernance au Burundi. Mais nous disons qu'une fois nous serons élus en 2020, je pense qu'aucun réfugié qui restera à l'extérieur du pays, puisque nous verrons un Burundi nouveau, un Burundi qui coule du lait du miel. Ce sera donc très honteux de trouver un Burundi qui coule du lait du miel alors qu'il y a un réfugié à l'extérieur qui est en train d'être affamé. Et concernant ces personnes en exil à cause de la tentative de renversement du pouvoir, quel en serait leur sort? C'est peu de nombre qui sont à l'exil à cause de la tentative de coup d'État. Vous savez que c'est au moins au nombre de 34 qui sont recherchés par la justice burundaise. Alors nous disons aux autres qui sont là sans toutefois qu'il y ait la poursuite judiciaire, qu'ils regagnent le pays. Et ceux qui sont poursuivis par la justice, quel serait leur sort? Ceux de répondre à la justice en fait qu'ils soient jugés pour clôturer ces dossiers. C'est vite. C'était Gabriel Banzawiton, il est le président du parti APDR. Il répond aux questions de Vestine Boutoyi. Et le ministère à la présidence en charge d'intégration est-africaine a un délai d'une semaine pour transmettre à qui de droit les dossiers des fonctionnaires et d'autres ministères qui participaient dans des réunions régionales. sans avoir avisé son ministère. Cette question a été soumise au Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. C'est au moment où le président de la République, Pierre Nkurunziza, demande aux membres du gouvernement de prendre des décisions à tous ceux qui veulent saboter les actions gouvernementales. Je vous prie de suivre Prosper Naogwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. La ministre à la présidence chargée des affaires de la communauté est-africaine a déploré le fait que des fonctionnaires des ministères participent à des activités organisées par la communauté est-africaine sans que le ministère dont elle a la charge en soit au courant, alors que toutes les invitations doivent normalement passer par son ministère. Il lui a été demandé d'élaborer un dossier sur ses fonctionnaires concernés et le transmettre à qui de droit dans un délai ne dépassant pas une semaine. Avant de clôturer la séance, Son Excellence Monsieur le Président de la République s'est réjoui du bon déroulement des festivités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Il a également félicité les membres du gouvernement pour l'esprit d'abnégation dont ils font preuve et leur a demandé de rester vigilants et prendre chaque fois des mesures qui s'imposent à l'endroit de quiconque voudra saboter l'action gouvernementale, surtout en cette période qui tire vers la fin du mandat. C'était Prosper Naogwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Nous devons cet élément sonore à nos confrères de la radio nationale. Et le ministère en charge des droits de l'homme et de la solidarité du genre compte décentraliser les assistances pour les vulnérables jusqu'au niveau des communes et des provinces. C'est dans le but de limiter des va-et-vient de ceux qui viennent demander des assistances au bureau du ministère de la Solidarité nationale et à la présidence de la République. Le ministre Martin Nivyabandi l'a dit jeudi de cette semaine lors de la présentation des réalisations exercice 2018, exercice 2018-2019. Je prie de suivre le ministre Martin Nivyabandi. Là, la stratégie, c'est l'assistance au niveau des communautés. Ça, c'est la stratégie du gouvernement. Les gens, progressivement, nous allons vers l'assistance au niveau de la base et couper court avec cette habitude de venir toujours écrire au président de la République, écrire au ministre, alors que c'est l'administration communale qui devrait se charger de ces vulnérables. Le gouvernement les reviendra en appui, mais l'assistance doit s'opérer au niveau des communes. Il y a toute une série d'actions qui seront menées. Il y a tout un document, une note qui a été produite à cette fin et les administrations locales sont au courant. Maintenant, il faut la mettre en œuvre. C'est de cette manière que nous pensons que nous pouvons, comme ça se faisait dans le temps, que les communautés au niveau de la base puissent s'occuper des personnes qui sont en nécessité. Le gouvernement central s'occupera des cas extrêmement compliqués, complexes. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal à 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro, les habitants de Moussegna, commune Mbanda de la province de Bubanza, déplorent que des mesures prises pour décourager le pillage souvent commis par des mineurs dans cette localité n'ont pas connu une application effective. Ce phénomène reste d'actualité sur le marché de Moussegna, dans des boutiques et dans les ménages, regrettent les habitants. L'administrateur communal de Mbanda promet d'autres mesures plus sévères que celles d'avant. Le point avec Espèce Caritas Kabanyan. Aucun enfant ne devrait pas entrer au marché de Moussegna et une fois attrapé, il devrait expliquer ce qu'il y fait car beaucoup de ces enfants sont des voleurs qui dévalisent les ménages et les boutiques selon l'administrateur de la commune Mbanda qui explique qu'il a pris ces mesures pour en finir avec le vol commis par des enfants au centre de Moussegna. Malheureusement, les habitants de cette localité, surtout les commerçants, déplorent le fait que ces mesures prises par les autorités administratives en collaboration avec les forces de l'ordre n'ont jamais été mises en application et les vols et pillages commis par les enfants au marché de Moussegna dans les boutiques et dans les ménages continuent selon les témoins sur place. Ces enfants, dont la plupart ont des parents à Moussegna même et dans les environs, sont âgés de 10 à 15 ans selon la même source. Et les commerçants se lamentent que souvent, ces bandits sont attrapés et remis à la police, mais ils sont vite relâchés parce que ce sont des mineurs. On parle aussi de complicité avec des personnes adultes qui leur montrent comment faire et partager par après le butin. L'administrateur de de la commune Emanda pense également que deux machines ordinateurs dernièrement volées au bureau d'état civil et au bureau de services fonciers de cette commune auraient été volées par des enfants qui sont passés à travers les grillages des fenêtres. Tchongela Frédéric rassure cependant qu'on va tout faire pour arrêter ce banditisme commis par des enfants. Spécialitas Kabanyana Bubanza, Radio Isanganiro. De la province de Bubanza-Randono, dans la province de Ngozi, où on parle de la grogne de certains habitants de la région centre-est du Burundi. Nous sommes dans la province de Gitega, qui ont depuis une longue période passé des commandes pour achat des compteurs type Cash-Power de la régie des eaux, sans pour autant être servis. Ils réclament des compteurs. Le directeur commercial de la régie des eaux explique que cette entreprise est en train de tout faire pour que les compteurs soient remis aux ayants droit le plus rapidement possible. Le point avec Gérard Nibigila depuis Gitega. Il y a environ deux mois que certains gens de la province de Gitega ont payé des frais d'achat des compteurs Cash Power de la régie des eaux sans toutefois être servis. À ce moment, ils étaient assurés que les compteurs leur seraient parvenus sans tarder, explique-t-il. Ils grognent donc parce que cette promesse n'a pas été honorée et certains parmi eux déclarent que des projets qu'ils comptent réaliser une fois obtenus ces compteurs connaissent déjà un certain retard. Ils demandent que les compteurs les soient octroyés le plus tôt possible. À propos, le directeur commercial de la régie des eaux que nous avons contacté par téléphone et les tranquillise, il souligne que la régie des eaux est en train de tout faire afin que les compteurs parviennent aux ayants droit. Il dit avec assurance que cette semaine qui commence ne prendra pas fin avant qu'ils ne soient servis. Il se base sur le fait que les compteurs en question se trouvent déjà dans les stocks de la régie des eaux à Bujumbura. Le travail restant, ajoutait-il, est de les acheminer dans quatre provinces qui composent la zone est de la régie des eaux, à savoir les provinces Gitega, Ruyigi, Cankuzo et Rutana. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigila. Cette fois-ci, rendons-nous dans la province de Ngozi. Il y a encore grogne de certains tenanciers des dépôts et bistrots des produits Blaroudi. Ces derniers disent qu'ils travaillent à perte ces jours-ci à cause de la pénurie des boissons Blaroudi, principalement la Moustelle. Certains déplorent qu'ils passent plus d'une semaine sans approvisionnement. Mais le responsable de cette société dans la province de Ngozi se garde de tout commentaire. Le point avec Apollinaire Muzagara. Ces grognes s'observent principalement chez les consommateurs de produits Blaroudi et même chez les cabaretiers détaillants. En cas de disponibilité de ces boissons, les semi-grossistes n'approvisionnent que leurs clients permanents, arguant que les quantités reçues sont insuffisantes, de bon nombre de détaillants en souffrent. Ces grognes s'observent même chez ces semi-grossistes. Ils trouvent très rarement actuellement tous les produits Blaroudi au méga dépôt d'ISS depuis 4 jours. La province Ngozi connaît une carence d'Amster 65 centilitres, Amster Bock et même l'Amster Royal. Le prix par bouteille s'est vu par conséquent augmenté de 200 à 500 francs bout là où ces Amsters sont disponibles. Ces vendeurs de produits Blaroudi déploient le travail à perte qu'ils réalisent en cette période de pénurie car ils disent qu'ils continuent à payer des taxes et maisons en location alors qu'ils ouvrent rarement les portes. Le personnel du méga dépôt d'ISSD du centre-ville Ngozi répond seulement qu'ils réceptionnent c'est qu'on les envoie et donc ils ne sont pas au courant du motif de cette pénurie. Sacha Ramba, représentant la Blaroudi à Ngozi, nous renvoie seulement au département de la communication de la Blaroudi à Bujumbura. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Sur ce, Rémi Ndayishimiye, chargé de la communication à la Blaroudi, promet de s'exprimer dans nos éditions de ce lundi après avoir collecté toutes les informations nécessaires sur ce produit. Et pour clore cette édition, parlons du sport. La Fondation Burundi-Canada-Québec promet de continuer à appuyer un équipement sportif des différentes fédérations burundaises. Le représentant légal de cette fondation l'a dit ce dimanche après avoir remis des équipements sportifs aux différents présidents des fédérations sportives, dont la Fédération du basket et du karaté ainsi que la FFB. Le deuxième vice-président de la Fédération burundaise du sport FFB a indiqué que ce don va contribuer à la promotion du sport au Burundi. Les détails avec Lydie Gahimbare. Ces équipements, si portés et faits octroyés ce dimanche par la Fondation Burundi Canada-Québec aux responsables de différentes fédérations, ont été collectés dans le but de promouvoir le sport au Burundi. Raphaël Vindalier, représentant légal de cette fondation au Burundi, précise que les autres sont tentés d'être collectés et seront attribués prochainement aux différentes fédérations sportives. Pour le moment, nous sommes en train de mobiliser d'autres équipements auprès du public canadien. Nous avons des bienfaiteurs qui nous appuient là-bas. Déjà, nous avons mobilisé autour de 25 000 livres que nous comptons amener pour cette année. Mais en même temps, nous toquons partout pour avoir plus de ballons, plus de maillots, plus de tenues et nous allons distribuer ce que nous avons reçu. On ne peut pas déterminer d'avance ce que nous allons amener, mais je pense qu'on va continuer la collecte. Tout ce qu'on aura, ce sera pour la jeunesse burundaise. L'appel que je lance, c'est l'usage à bon escient de ce matériel pour l'épanouissement de la jeunesse et je n'ai aucun doute que nos partenaires ici vont les utiliser à bon escient. Moustapha Semgabo, deuxième vice-président de la Fédération burundaise de football, FFB en sigle, fait savoir que cette aide va contribuer davantage à la promotion du sport au Burundi. Nous, en tant que fédération bénéficiaire, on a bénéficié des ballons, on a bénéficié des maillots. Aujourd'hui, je vous dirais d'ailleurs qu'on a commencé à les distribuer dans les provinces, on a commencé à distribuer pour le championnat football féminin qui est en cours. En tant que fédération de football, nous apprécions le matériel à point nommé parce que c'est du matériel qui va appuyer la pratique d'autres sports. Ces équipements sportifs octroyés par la Fondation Burundi Canada-Québec sont constitués de plus de 400 ballons de football, 11 ballons de basketball et les différents équipements utilisables dans le sport de boxe et celui de karaté. Merci Lydie Gahimbal et voilà, 13h14, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que le parti APDR vient de publier le nom de son candidat aux élections présidentielles de 2020. Il s'agit de Madame Niwigira Fidélité. Et la province Ngozi fait face à une pénurie de produits Braoudi, principalement la moustelle. Les tenanciers des dépôts et bistres regrettent qu'ils travaillent à perte. Une personne a été tuée et brûlée au cours de la nuit de ce samedi à dimanche sur la colline Murusagara, en commune Makebuko de la province Gitega. Elle serait accusée de vol, dit une autorité zonale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Kugimana qui assure la mise en onde de la présentation. Vous étiez avec Placide Niamongere qui vous souhaite une très agréable journée dominicale. Au revoir.